mensonge planétaire, vérité spirituelle et mensonge cosmique. Donc, tout d'abord, par rapport au mensonge planétaire, lorsqu'un être vit dans un cadre d'involution, un cadre d'inconscience, un cadre de vie où la personne a une conscience qui est expérimentale, c'est-à-dire qui n'est pas en relation avec la dimension cosmique d'elle-même d'une manière volontairement consciente, eh bien, la personne peut faire subir aux autres et subir elle-même le mensonge planétaire et être un relais d'une désinformation qui est véhiculée à travers elle. Donc, le mensonge planétaire, lorsque la personne est inconsciente, elle peut chercher, pour des raisons d'orgueil, de domination, de mise en puissance par rapport à autrui, d'impression, chercher à impressionner les autres, parce que la personne, quand elle est inconsciente, elle peut être sous influence de forces astrales malgré elle, dans son inconscience, qui va la posséder, qui va l'amener à avoir certains agissements, dont mentir, entre autres. Donc, lorsque la personne est inconsciente, elle peut chercher à mentir pour mettre son ego en puissance, en relation avec certaines forces qui ont intérêt à ce que de la désinformation soit propagée à la surface de la Terre. Lorsque la personne se spiritualise, bon, ben, elle veut arrêter de mentir, elle veut avoir accès à des vérités spirituelles et les propager la bonne nouvelle. Quelqu'un qui, dans le fond, part d'un état d'inconscience puis qui se spiritualise, ça se peut que la personne a dit « Ah, ben là, je vais vivre dans la vérité ». Donc, la personne peut adhérer à des croyances morales, à des principes religieux, de croire que c'est une bonne chose de dire la vérité à tout le monde en tout temps. Donc, elle peut adhérer à certains concepts qui vont l'amener à avoir une volonté d'arrêter de mentir si elle mentait dans le passé. Donc, de changer de comportement, puis de voir à travers cette modification comportementale une forme de réalisation, d'actualisation. Mais si la personne passe d'une conscience qui le lie au haut plan astral, spirituel, donc la personne qui autrefois était liée au bas plan astral, qui est une structure énergétique relative au vécu mémoriel d'êtres qui ont existé dans le passé sur la Terre, donc quelqu'un qui est relié à la conscience astrale lorsqu'elle est inconsciente, puis son taux d'énergie est très bas, elle peut mentir d'une manière volontaire à des fins de domination d'autrui, donc de vampiriser leurs énergies vitales, d'avoir des rapports de prédation à l'égard des gens de l'environnement. Lorsqu'elle se spiritualise, elle cherche à être amour par rapport aux autres. Et elle peut adhérer à des philosophies, un cadre religieux, un cadre moral avec une éthique qui va l'amener à vouloir dire la vérité tout le temps avec tout le monde. Donc, elle se spiritualise en délaissant un certain comportement de domination. Mais ce qui est subtil, c'est que la personne, au nom de la vérité, bien, comme on l'a vu dans le passé, elle peut chercher à imposer ça à autrui par différentes façons. Donc, il y a des gens qui ont voulu imposer des croyances spirituelles qui étaient pour eux de grandes vérités, et ça a amené, entre autres, dans le passé, des guerres de religion. Donc, il y a une liaison à certaines formes que des gens vont faire qui évaluent comme étant la vérité. Et la personne qui passe à la conscience supramentale, donc conscience cosmique, eh bien, elle peut délaisser les vérités spirituelles puis elle se mettre à mentir en relation avec la filiation psychique qu'elle peut avoir avec sa contrepartie cosmique dont elle prend conscience dans le cadre d'un processus d'intériorisation. Donc, ce qui est particulier, c'est que lorsque la personne est inconsciente, elle peut mentir. Lorsqu'elle spiritualise, elle dit « Non, non, non, c'est pas beau le mensonge, il faut être dans la vérité, il faut être dans l'amour, il faut être dans le vrai. » Puis elle peut chercher à dire la vérité à tout le monde en tout temps. Puis lorsque la personne touche à la conscience supramentale, bien, elle peut se remettre à mentir. Mais la différence entre le mensonge qui est fait d'une conscience purement expérimentale, c'est-à-dire planétaire, versus une conscience qui s'individualise et qui est en relation avec le plan cosmique, c'est l'état psychique. Donc, dans les deux cas, la personne qui est inconsciente puis la personne qui est supraconsciente, elle peut mentir. Donc, le comportement est similaire, c'est-à-dire que il y a une omission de certaines informations, une désinformation qui est faite. Sauf que la différence entre les deux, qui est subtile, c'est l'état vibratoire dans lequel le mensonge s'opère. Et c'est ça qui est intéressant à observer. C'est que il y a des gens qui croient, ils pensent que, bon, quelqu'un qui se conscientise, il est dans la vérité, puis il arrête le mensonge. Mais quelqu'un qui touche à une conscience au niveau supramental, qui est au-delà des principes de haute spiritualité, qui est au-delà des formes qui existent, qui est libre, dans le fond, de la soumission à toute forme de structure idéologique, la personne est au-delà du concept du bien puis du mal, du vrai puis du faux, donc de la vérité puis du mensonge, donc les concepts polarisés. La personne qui a une conscience supramentale va utiliser sa parole pour dire le réel de ce qui doit être dit dans le moment présent en fonction de sa captation énergétique de ce qui a été dit ou non. Et l'énergie qui cherche à passer à l'entrevue à travers l'individu va chercher à amener des informations sur la Terre en fonction d'une évolution, d'un développement, d'une actualisation, d'une plus grande circulation de l'énergie à la surface de la planète par rapport à certains individus concernés. Donc, dans certains cas, par exemple, d'amener un mensonge à un individu qui n'est pas prêt à recevoir certaines informations, c'est intelligent parce que ça l'empêche d'être exposé à un choc qu'il ne serait pas capable d'intégrer et qui pourrait l'amener dans un état de déchéance psychique. Si, par exemple, quelqu'un qui dit à une autre personne que Dieu, dans sa conception religieuse, existe, alors que la personne n'y croit pas, la personne se fait poser la question, « Bon, toi, est-ce que tu crois au Dieu qui est véhiculé dans les religions? » Puis la personne dit oui, alors que la personne n'est pas sincère en faisant ça, parce que c'est en décalage avec la captation vibratoire qu'elle a, mais elle fait pareil, parce que si elle dit pas ça à l'autre, ça crée de l'insécurité, surtout si la personne est avancée en âge. Tu sais, si quelqu'un parle avec sa grand-mère, qui a au-dessus de 90 ans, puis lui dit que ben, le Dieu qu'elle a vénéré depuis qu'elle est jeune, en fonction de la conception religieuse dans laquelle elle a grandi, n'est pas une réalité pour... la personne va dire, ben c'est pas une réalité pour moi, puis elle a besoin de la croyance en Dieu parce que ça lui donne un support par rapport à sa vie. Ben, c'est pas intelligent, surtout si la personne n'a pas la capacité d'intégrer une conscience qui est au-delà de la croyance dans un Dieu transcendant issu d'un cadre religieux anthropomorphisé. Donc, si la personne n'est pas capable d'aller au-delà de ça, puis elle n'a pas un niveau d'intériorisation qui la met en relation avec son être en tant qu'absolu ou la dimension cosmique d'elle-même, si vous préférez, d'une manière volontairement consciente, puis elle ne vit pas une forme de communication télépathique avec lui, bon, ben de la priver de Dieu ou de remettre ça en question, puis ça l'amène à vivre de la dépression, puis elle n'a pas à vivre autre chose, c'est pas intelligent d'exposer à ça. Donc, de mentir dans certains cas empêche en fait un déséquilibre énergétique. Donc, au niveau cosmique, ça peut être intelligent de désinformer une population si elle n'a pas les corps et la stabilité psychique pour contenir un affût grand d'énergie relatif à une information qu'elle n'est pas capable d'assumer. Donc, de mentir au niveau cosmique, ça peut se tenir sur le plan vibratoire. Et là, c'est sûr que par rapport à ça, c'est intéressant parce qu'il y a des trucs subtils. Dans le sens que si on dit qu'au niveau cosmique, il peut avoir une légitimité vibratoire d'amener de la désinformation par rapport à des individus et de la population, ben là, c'est sûr que des gens vont dire, ben là, ça sort pas la population du mensonge. Mais le but de la conscience supramentale, c'est pas de sortir la population du mensonge, c'est d'amener les gens de la population à évoluer. Avec utilisation ou non de mensonges, l'objectif est toujours une optimisation du potentiel de captation et de capacité de véhiculer l'énergie, entre autres à travers la parole. Donc, l'objectif, c'est pas la vérité, puis s'accrocher à des formes qu'on va dire c'est la vérité, c'est le mensonge, c'est ci, c'est ça. Non, l'objectif, c'est une optimisation énergétique, donc c'est très différent. Mais c'est sûr que si on dit que la personne, ça peut être justifié de mentir, ben là, il y a des gens qui vont dire que ça peut mener à des abus, des abus liés à de la désinformation. Ben, l'individu qui a réellement une conscience supramentale ne mentira pas dans une optique de dominer autrui. Mais s'il amène une désinformation volontaire de certaines informations ou d'une retenue, si on parle de mensonge par omission, c'est parce que la vibration d'agir ainsi. Donc, autrement dit, il suit le courant de l'énergie de son être réel en faisant ça. Et s'il suit le courant de l'énergie de son être réel, qui est la dimension cosmique de lui-même, qui est par-delà les lois planétaires, eh bien, à ce moment-là, il n'est pas sous le joug de lois planétaires involutives, en ce sens que si la personne commet un mensonge parce qu'elle est affiliée au plan astral, à ce moment-là, elle va vivre les conséquences énergétiques, ce que certains vont appeler karmique, relatif à une action qui lie la personne avec un plan d'énergie qui est plus bas que celui cosmique. Donc, tout ça est subtil parce que le même comportement sur le plan de la forme n'est pas nécessairement sous-entendu par un même état vibratoire. Donc, autrement dit, quelqu'un peut avoir le même comportement observable dans la vie de tous les jours, il ment, mais vibratoirement, dans un cas, il fait parce qu'il y a psychiquement une entité astrale qu'il garde enchaînée à des lois d'involution et qui amène à perpétuer un cycle involutif en désinformant, qui permet la mainmise du plan astral qui permet ce joug dans la psyché de différents individus. Dans un autre cas, la personne qui ment peut servir à déloger de l'astral pour désinformer un individu volontairement, mais qui est dans une optique d'amener une montée en vibration ou de diminuer l'impact du plan astral qui pourrait récupérer de l'information relatif à des éléments qui pourraient être véhiculés par sa parole pour déstabiliser l'individu. D'ailleurs, un adage qui dit « toute vérité n'est pas bonne à dire », dans le sens que si, par exemple, un enfant est exposé prématurément à certaines réalités, comme par exemple dans un autre pays, il y a plein d'enfants qui meurent à cause que le pays est bombardé par des missiles, par des obus, ou que les parents du jeune enfant se font tuer à mitraillette, puis l'enfant n'a pas le système nerveux d'intégrer l'information, que ce genre de choses arrive, puis ça a créé une phobie anxieuse ou de la peur. Bon, bien, c'est pas intelligent qu'il soit exposé précocement à ce type d'information, compte tenu de sa capacité à encaisser le choc énergétique relatif à l'information. Donc, il y a certaines réalités, si on pense à quelqu'un, je tombe avec du mémorial, fait que c'est pour ça que je cherche un peu, mais là, ce qui me vient en tête, puis je veux pas déformer les faits, mais admettons quelqu'un qui pratique le cannibalisme, puis il découpe en morceaux une victime. Est-ce que d'être exposé à la réalité du corps démembré de la personne, c'est intelligent? La personne n'est pas capable de contenir ça. Ça ne l'est pas. Donc, c'est ça que je voulais mentionner. Mais pour en revenir à la thématique, mensonge planétaire, vérité spirituelle, puis également mensonge cosmique, c'est que pour la personne, pour être libre de l'emprise planétaire, donc de la structure énergétique relative à la Terre, qu'on va appeler le plan astral, où des hommes en voie d'évolution sont là et qui influencent les vivants. Pour être libre de cette influence-là, il faut que la personne procède à partir d'une conscience cosmique qui est au-delà de ça. Pour procéder au-delà de ça, ça peut amener la personne à délaisser toutes les vérités spirituelles qu'elle a acquises au fil du temps, toute la morale religieuse auquel elle a donné de l'importance. Et c'est très difficile pour un individu qui s'est fait dire pendant plusieurs années de temps dans un cadre religieux que tu ne dois pas mentir, que c'est un péché. Puis là, sa petite voix intérieure lui dit: Ah, tel individu, il faut pas que tu lui dises telle information. Puis là, la personne peut argumenter avec sa petite voix intérieure en disant: Ben là, si tu m'amènes à pas présenter cette information-là, c'est que tu m'amènes à mentir par omission. Là, ça peut y répondre oui. Puis là, il peut explorer à travers sa communication qu'il a avec sa contrepartie cosmique, c'est-à-dire lui au niveau vibratoire. Puis l'autre, ben lui, il n'y a pas d'autre au sens absolu parce que c'est un continuum énergétique entre l'ego et l'esprit lorsqu'une vise à, une mise en relation consciente. Puis là, ça peut, cette mise en relation, l'amener à réaliser que finalement, c'est plus intelligent de mettre telle information à tel individu que lui dévoiler certaines choses. Donc, et chaque chose en son temps. C'est pas tout le monde qui a à avoir accès à toutes les informations par rapport à qu'est-ce qui se passe présentement dans le monde, des informations aussi voilées par rapport à certains enjeux occultes. Donc, pour ce qui est de la question du mensonge planétaire versus vérité spirituelle, ce que ça me dit intérieurement, c'est que il y a beaucoup d'illusions associées à des vérités spirituelles qui donnent le sentiment à certaines personnes d'être libres, mais en réalité, en s'attachant à des vérités spirituelles, ils s'enchaînent à des formes. Puis, ce qui est vérité un jour ne l'est pas nécessairement demain, car les formes sont changeantes. Donc, autrement dit, à une époque, de dire, par exemple, que l'Ukraine fait partie de l'URSS, c'est une vérité, mais plusieurs années après, si l'URSS, l'Union des pays soviétiques, n'existe plus, c'est plus une vérité. Donc, les formes sont changeantes. Les formes sont mutables. Donc, quelque chose est une vérité à un moment donné, puis à un autre moment, ça ne l'est plus. Tu sais, à une époque de dire que les gens votent pour le Parti libéral et c'est celui qui est le plus populaire au Québec dans les élections, c'est une grande vérité. Puis à une autre époque, ben c'est le Parti québécois. Puis à une autre époque, ben ça peut être la CAQ qui est apparue, qui est très populaire. Donc, ce qui est vérité à un moment donné, d'une manière ponctuelle, circonscrite dans le temps, ne l'est pas nécessairement à un autre. Donc les champs, les formes sont mutables. Si on se sent coupable de ne pas être dans la vérité par rapport à des formes qui sont mutables, c'est inintelligent, cette conduite, car ça mène la personne à être soumise à la forme. En fait, de chercher des vérités spirituelles, c'est de vouloir se soumettre à des réalités spirituelles, voire des entités qui les sous-entendent et qui vont dicter c'est quoi le réel. Alors que l'individu qui est conscient, c'est lui, de par sa parole, qui va être capté vibratoirement sa nature cosmique et qui va être capable de dicter le réel de ce qui doit être. Et la distinction entre le réel, la vérité, le mensonge, c'est que le réel, fondamentalement, c'est une vibration, c'est une énergie, c'est pas une forme. La vérité et le mensonge sont des résiduels énergétiques qui sont interprétés par des subjectivités par rapport à des valeurs relatives qui sont appelées à fluctuer dans le temps. Donc, la vérité puis le mensonge, c'est comme la bourse qui va fluctuer au fil des semaines. Donc, à un moment donné, il y a des hausses boursières par rapport à certains titres et à un autre moment donné, le même titre peut connaître une dégringolade fulgurante. Même chose pour la valeur des métaux précieux ou de l'or. Tout fluctue. Donc, les concepts de vérité et de mensonge sont des formes fluctuantes. Tandis que le réel, dans le sens de énergie qui est pulsée dans l'instantanéité du moment présent en relation avec la totalité de ce qui est et qui cherche à s'actualiser à travers l'individu pour l'amener à s'optimiser sur le plan énergétique par-delà les lois de polarité qui le relient psychiquement sur le plan planétaire. Bon, ben, quelqu'un qui travaille avec le réel de ce qu'il porte en lui, la personne va être pleine d'énergie. Car lorsque la personne fonctionne avec des vérités qui sont en relation avec des réalités sociales, bien la personne vit en fonction du collectif, vit en fonction de réalités qui sont extérieures à lui. Alors que l'individu qui est individualisé ou qui tend l'être apprend à vivre en fonction de lui-même et de se détourner des modes. Donc dans le sens, dans une société, la mode... C'est, par exemple, d'avoir un parti pris favorable par rapport à un pays qu'on dit qui est agressé par rapport à d'autres, ou de se faire injecter une substance dans son corps, que c'est à la mode. Bon, ben la personne est capable de prendre un recul, puis d'évaluer tout par rapport à elle-même. Est-ce que c'est intéressant de donner du crédit à tel pays plutôt que tel autre? Est-ce que c'est intéressant de prendre ou non telle substance? Est-ce que c'est intéressant d'écouter les médias? Est-ce que la personne se définit toujours en fonction d'elle-même? Elle n'a pas intérêt à se soumettre à des... Parce que le concept de vérité en tant que forme, donc structure articulée, c'est en fonction du densifié. Alors que la personne qui œuvre à partir d'une conscience fondamentalement qui est de nature vibratoire... œuvre à partir du non-manifeste plutôt que du déjà-manifeste. Autrement dit, la vérité et le mensonge, les vérités spirituelles, si c'est des choses qui sont déjà articulées par la parole, par des gens de l'environnement ou relayées par des médias, c'est pas des éléments qui proviennent de la source de l'individu. Donc, ça provient pas de son moi cosmique fondamentalement et la personne ultimement qui s'individualise dans une planète comme la Terre qui est remplie de désinformations planétaires, spirituelles, cosmiques et à tous les niveaux, à tous les plans de propagande, que ce soit par rapport à la menace d'une guerre ou peu importe, la personne a à se situer par elle-même. C'est souvent lorsque la personne sature du concept de contexte de désinformation planétaire, de mensonges qui y sont faits, que la personne apprend à se référer par rapport à elle-même, tout simplement. Parce que tant que la personne cherche la vérité ou cherche à épurer sa conscience pour atteindre des formes spirituellement plus pures, elle vit tout le temps par rapport à autrui comme point de référent. Donc, quelqu'un qui adhère à une religion puis qui délaisse des comportements de voyous ou des comportements de désinformation à des fins de domination, bien, la personne n'est pas libre tant qu'elle se réfère à des formes extérieures à elle. C'est sûr que dans un sens absolu, on peut dire que la personne qui se conscientise n'est pas libre non plus, parce que la personne qui agit en fonction d'une vibration, qui est la plus haute énergie qu'elle peut capter, se déployer à travers elle et qu'elle traduit en termes de paroles ce qui est le plus vibratoire, ben, n'a pas une liberté absolue dans le sens que si vibratoirement ça lui dit certaines choses qui font pas plaisir à elle-même en tant qu'ego, est obligée de reconnaître que c'est réel. Et l'un des signes qu'une information est canalisée de nature vibratoire, c'est le fait que ça fait pas toujours plaisir à l'ego, alors que les vérités qui proviennent des mondes spirituels et les propos qui cherchent à influencer les gens dans une direction plutôt qu'une autre, un peu comme des voix mielleuses, ça peut faire plaisir à entendre. Alors que la réalité en termes vibratoires, ça fait pas toujours plaisir à entendre à l'ego. Et c'est sûr qu'une personne qui a une ouverture d'esprit peut regarder certaines réalités. Moi, en tant qu'ego, si je le prends plus personnel, alors que je vous parle, ben, je peux vous dire que par rapport à... Je vais vous donner un exemple, l'implantation de certaines technologies, comme par exemple l'identité numérique. Quand je le réfléchis en tant qu'ego, ça me fait peur, mais en même temps, il y a une partie de moi-même par rapport à l'identité numérique ou la mise en place de code QR qui me dit que tu te casses la tête trop pour rien. Tu vis de l'anxiété pour rien, puis le fait de te préoccuper par rapport à ça n'empêche pas l'intégration d'une plus grande technologie en société. Et la crainte que je peux avoir à ça, dans mon cas personnel, je ne parle pas pour les autres, là, est disproportionnée. Ce que ça me dit intérieurement, c'est un petit peu comme, par exemple, dans le passé, les gens ont été confrontés à une période où ils ont passé au début, quand les gens ont développé l'automobile, les gens n'étaient pas obligés de payer un permis de conduire comme on le fait au Québec à chaque année. Mais c'est sûr qu'il peut y avoir des gens qui se sont opposés à ce que chaque personne ait toujours un permis pour conduire sur l'auto. Mais dans le fond, c'est pas dramatique d'avoir un permis de conduire qui est devenu obligatoire aujourd'hui pour fonctionner en automobile, dans le sens que c'est une forme qui peut créer une forme de lourdeur, on s'entend, parce que l'individu qui, avant que ça soit mis en place, cette mesure-là, bon, ben, elle pouvait utiliser un véhicule automobile sans avoir de permis pour le faire. Sur le plan historique, et à un moment donné, les concepteurs d'automobiles, quand ils utilisaient leurs inventions puis qu'ils avaient à se déplacer avec elles, à la base, il n'y avait pas de permis. Un peu comme les ceintures, à la base, les automobiles, les gens n'étaient pas obligés de porter la ceinture, puis à un moment donné, ça s'est instauré. Donc, c'est sûr que l'histoire, l'identité numérique, moi, ce que je vois ça, c'est comme une forme qui est plus lourde, mais être doté d'une identité numérique ou pas en avoir, ça m'empêche pas d'être en contact avec ma source. Ma liberté fondamentale se situe dans mon rapport à ma psyché. C'est sûr qu'en tant qu'ego, d'éventuellement savoir que le gouvernement du Québec, c'est la même chose pour d'autres pays occidentaux, ont pour agenda, sous l'influence d'entreprises de haute technologie auxquelles ils donnent des contrats, c'est sûr qu'eux autres vont avoir des lobbyistes pour faire la promotion naturellement de leur innovation qu'ils disent technologique pour le bien de l'humanité. Bon, ben ces gens-là, ils ont un agenda, c'est-à-dire vendre des solutions technologiques au gouvernement pour empocher des millions. Donc, il peut avoir une partie de la part du gain, puis il peut avoir aussi une partie réelle de la solution, dans le sens que, bon, si quelqu'un oublie son permis de conduire et avec la reconnaissance faciale qu'on veut mettre en place au Québec, bon, ben la personne qui est arrêtée par la police n'a pas besoin de présenter la carte qui est faite de plastique comme de quoi qu'elle a le permis de conduire. La personne elle pourrait se faire scanner son visage via le téléphone intelligent qu'a le policier qu'il pourrait avoir ou son ordinateur de bord. Il pourrait dire, ben écoutez, monsieur, montrez-moi votre visage. Vous n'avez pas votre carte de permis de conduire. Ah, le visage est scanné par reconnaissance biométrique. Donc, la personne, ah, OK, on vous reconnaît. En effet, vous êtes doté d'un permis de conduire qui est à jour. Donc, vous pouvez circuler. Il n'y a aucun problème, même si vous ne montrez pas le papier. Donc, il peut y avoir des avantages par rapport à ça. C'est sûr que moi, en tant qu'ego, je ne ferai pas la promotion d'identité numérique. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça peut être intéressant par rapport à une information qui, a priori, peut engendrer de la crainte, l'évaluer par soi-même et pour soi-même. Donc, des gens qui vont peut-être écouter l'enregistrement et vont dire, ben, regarde, l'identité numérique, c'est une menace importante, ton propos est en train de la sous-estimer. Je dis pas que c'est pas une menace dans le sens que ça peut pas brimer des droits et libertés individuelles. Ça, c'est clair pour moi, qu'il peut y avoir des abus d'autorité faits par rapport à ça. Par contre, si je le regarde par rapport à ma vie, pas par rapport au collectif, en tant qu'ego, ça me fait pas plaisir, mais fondamentalement, est-ce que ça va empêcher l'expression de la dimension créative en moi en termes de parole et d'action? Peut-être restreindre mes actions dans la vie de tous les jours à un certain sens, mais fondamentalement, est-ce que ça va m'empêcher d'être? La réponse, c'est non. Parce que pour exister et de vivre en connexion avec soi-même, c'est par-delà la forme. Donc, on rajoute une forme, mais ça va pas brimer ce que je pourrais qualifier comme étant le non-manifeste. Parce que l'articulation de mon existence en tant qu'ego est en relation avec une dimension vibratoire. Et je pars du principe que mon cerveau, sur le plan physique, ne produit pas la pensée. C'est pas comme des sucs gastriques qui sont sécrétés par l'estomac de la pensée, là. Donc, j'ai une vision immatérialiste de la conscience. Donc, c'est pas le produit de l'activité des neurones, bien que la qualité du réseau neuronal, la santé du cerveau, globalement, peut être propice à davantage d'expressions créatives. Mais l'intelligence créative existe par-delà de ça. Et j'ai une conception de l'être humain comme étant multidimensionnel. Et que la réalité fondamentale en tant qu'être qui se rapporte à l'individu est sur le plan nouménal et non pas phénoménal, pour reprendre certaines catégories philosophiques existantes. Donc, c'est sur le plan non manifeste. Et quelle l'apparition d'une identité numérique, d'un code QR, de ci, de ça, ça n'a aucune incidence sur ma réalité fondamentale. Mais il y a des gens qui vont dire, ben là, ça peut quand même avoir une incidence sur ta vie de tous les jours, donc de te limiter, d'être davantage épié, surveillé en tant que citoyen, j'en conviens. Donc, c'est sûr que moi, fondamentalement, que des mesures plus grandes de contrôle en tant qu'ego, ça ne me fait pas nécessairement plaisir. Par contre, ce que ça me dit intérieurement, c'est de ne pas m'inquiéter par rapport à ça outre mesure. De rester calme, car si je m'inquiète, je crée une distance entre moi et ma source. Donc, je me fais récupérer par une dépense énergétique qui n'apporte rien de créatif. Quelqu'un qui a peur puis qui sécrète du cortisol, qui métabolise en grande quantité dans son organisme, ça lui prend de l'énergie et cette énergie-là n'est pas utilisée pour, par exemple, permettre à son système immunitaire d'être en puissance ou de faire autre chose. Parce que la dépense d'énergie qu'on fait à une place fait qu'on a moins d'énergie pour autre chose dans un contexte planétaire. Donc, c'est ça que je veux mentionner. C'est sûr qu'en tant qu'être, on peut dire qu'on est infini. Par contre, le corps biologique, en termes de corridor de manifestation et d'expression d'une énergie d'une nature cosmique, est en relation avec des lois d'énergie par rapport à une condition planétaire. C'est sûr que l'intégration d'énergie cosmique peut avoir une certaine incidence sur le corps biologique. Même chose par rapport à la dimension des vérités spirituelles, des gens de haute spiritualité. Dans certains cas, ce qu'on peut constater, c'est qu'ils vont dégager une structure énergétique qui est colorée. Donc, si on prend par exemple la structure énergétique d'un grand prêtre, d'un religieux, d'un moine, on prend un moine bouddhiste, une certaine structure énergétique en relation avec des vérités, même chose pour un croyant catholique. Donc, des gens qui sont consacrés à une structure énergétique en relation avec les formes qui s'y trouvent, les éléments de vérité. Dans certains cas, c'est plus élevé sur le plan vibratoire que la personne qui vit dans le crime organisé, le mensonge, la désinformation systématique. Par contre, si la personne est assujettie à une entité maîtresse qui relie la personne au plan astral, que ce soit le bas plan astral ou au plan astral, donc une structure énergétique qui régit la conscience de l'individu, étant donné qu'il n'a pas de volonté oppositionnelle pour s'en défaire ou de capacité d'intégrer la dimension cosmique en lui, puis la personne est obligée de composer avec cette réalité-là. C'est sûr que la personne est soumise à de la forme, parce que l'entité parasitaire, l'entité qu'on va qualifier de planétaire, qui est en voie d'évolution, elle vit en fonction de désinformation, car elle n'est pas capable d'assumer le réel pour ce qu'il est, étant donné qu'elle n'est pas complète. Donc, elle n'est pas un contenant qui est capable de contenir, c'est-à-dire assumer consciemment la nature du réel, et d'assumer la nature du réel, pour être honnête avec vous, au moment où je vous parle, on est présentement rendu au milieu du mois de mars de l'année 2022, je ne suis pas capable de le compter moi-même. Donc, ce que j'ai à dire, c'est qu'il est possible que dans mes propos, il y ait de la désinformation. Donc, il faut être capable d'être autocritique. Mais en même temps, il faut se donner le droit de parler, parce que si on attend d'avoir une parole qui est totalement harmonisée à sa conscience réelle, on risque d'attendre longtemps. Mieux vaut épurer le canal de la communication en parlant d'une manière occasionnelle que de ne pas le faire du tout. En tout cas, dans mon cas, et il y a un adage qui dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et moi, ce que j'aurais le goût de dire, c'est en parlant d'une manière consciente qu'on peut s'ajuster consciemment à la parole et de voir qu'est-ce qui entre en résonance ou non par rapport à des propos. C'est toujours en fonction de soi. Dans les médias, on peut dire « Ah, ben, tel pays, c'est le méchant, puis tel, c'est le bon. » Ben, regarde intérieurement si c'est réel pour toi. Ça se peut que tu aies des surprises. Ça se peut que ça te dise, ben finalement, si la réalité est plus subtile que ça. Tu sais, s'il y a un conflit entre deux pays, puis ça peut dire que le pays qui est désigné comme étant bon, ben il est régi par des lois de l'évolution qui va faire en sorte que ce pays qui est présenté comme étant la pauvre victime d'un autre, ben lui-même, ça se peut qu'il soit impliqué dans des crimes contre l'humanité. Donc, tout peut être extrêmement subtil, mais les subtilités, il faut les chercher par soi-même. Dans les médias alternatifs, on peut avoir un lot de désinformations comme dans les médias officiels, parce que tant que des êtres en d'évolution, tant que des désinformations, puis même si la personne serait très évoluée, avec une conscience très vaste, elle peut volontairement désinformée étant donné qu'elle va fonctionner en relation avec des lois d'énergie qui fait en sorte qu'elle doit respecter que les êtres en voie d'évolution ou qui n'ont pas la contenance de contenir un certain taux vibratoire ne soient pas exposés prématurément à certaines informations, donc avoir un certain niveau de retenue un petit peu à la manière de parents qui vont amener de la retenue d'informations par rapport à leurs enfants. Et c'est normal parce que les enfants n'ont pas le même niveau de développement psychique que l'individu qui est plus développé, qui est plus prêt à en prendre. Et d'ailleurs, il y avait un adage qui disait « Quelle dose de réalité êtes-vous prêt à prendre? » Pas « Quelle dose de vérité, là, ou de réalité, en tout cas, peu importe. » Mais c'est de voir quel dosage. Et le dosage est déterminé par rapport à la nature des corps d'énergie qui se rattachent à l'individu. Tout ça pour vous dire, et ce qui peut, vous pouvez ça trouver ça surprenant à mon propos, mais je suis obligé de reconnaître que la désinformation a une fonction. Et que là, des fois, j'ai écouté au fil des mois là, des médias alternatifs qui voulaient avoir comme mandat spirituel de sortir l'humanité d'une forme de désinformation qui est orchestrée par les médias officiels. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que ça, c'est pas nécessairement voulu au niveau cosmique. Et dans le sens qu'au niveau cosmique, le mensonge peut servir comme de bombe pour pas exposer prématurément à des réalités que les gens sont pas capables d'assumer. Donc, l'individu qui est conscient en passant, la façon que je le vois au fil du temps, que je me le conceptualise, l'être humain nouveau, que ce soit une femme ou un homme, ou même un transgenre, ou un non-binaire, un non-genré, c'est un individu qui est par-delà des conceptions relatives à la notion de vérité puis de mensonge. C'est un individu qui vit fondamentalement par rapport à lui-même. Comme il est libre du concept de vérité et de mensonge, il n'est pas soumis à la culpabilité. Tant que la personne croit qu'il peut raconter un mensonge, il peut vivre de la culpabilité. Tandis que si la personne suit un courant d'énergie à travers le propos de sa parole, ben à ce moment-là, il ne peut pas se sentir coupable, surtout s'il ne se rappelle plus de ce qu'il dit, parce qu'il est à partir d'une vibration supramentale. Donc, à ce moment-là, la notion de culpabilité qui est en relation d'un rapport polarisé par rapport aux formes exprimées en fonction d'une réflexion morale par rapport à certains critères éthiques, certains principes, une certaine idéologie ne tient plus la route. Donc, quand on compare une forme par rapport à une autre forme, on peut se sentir coupable, alors que lorsqu'on parle le réel pour ce qui est sans y être attaché, sans y être soumis, ben à ce moment-là, on parle librement. Il n'y a plus de notion de vérité puis de mensonge qui entre en fonction. Ce qui entre en fonction, c'est tout simplement le principe que l'énergie cherche à s'actualiser à travers la parole. Et la personne devient tout simplement un vecteur d'énergie. Et elle peut aussi se nourrir d'énergie, comme des gens vont se nourrir de nourriture. Ben, sur le plan littéral, pas nécessairement à court terme, mais à mesure que la personne est capable de capter le réel puis de s'y ajuster, ça a une incidence sur son corps biologique, naturellement. Mais aussi, ce qui me vient en tête, c'est que c'est pas tout le monde non plus qui ont à vivre d'énergie, comme certaines personnes qui disent qu'ils vivent de lumière, puis il y a même un documentaire par rapport à ça que j'avais vu il y a quelques années, que des gens qui disent qu'ils mangent pas, qu'ils ne boivent pas, puis ça fait des années. Bien, c'est une possibilité, mais ce n'est pas nécessairement la finalité de l'individu qui se conscientise. La finalité de l'individu qui se conscientise, c'est que l'énergie passe à travers lui. D'ailleurs, c'est le même principe par rapport à la question de manger de la viande, de manger végétarien ou de manger végétalien. Donc ça, c'est sans manger fromage, de yogourt ou d'éléments qui comportent des traces d'animal. Quelqu'un qui est dans la vérité spirituelle va dire que de manger pas de viande, c'est une grande vérité qui permet à la personne en agissant ici d'éviter à des animaux de souffrir. C'est une certaine réalité dans le sens que, par exemple, un animal qui souffre alors qu'il est tué à des fins de consommation, en ce qui me concerne de ce que je peux capter puis percevoir, la souffrance est beaucoup plus grande perçue par la forme de conscience animale, surtout si elle est quand même sophistiquée, là, si on prend un bœuf, une vache, un cheval. Donc, c'est plus grand en termes de souffrance perçue par l'être que si c'est une carotte. Donc, la carotte n'aura pas la structure émotive que peut avoir, par exemple, la vache ou le chat ou le chien en termes de perception. C'est sûr que la carotte, certaines personnes pourraient m'ostiner puis dire, ben, vouloir argumenter avec moi en disant la carotte a une certaine sensibilité. Les végétaux ont une certaine sensibilité, mais le végétal a une sensibilité moins grande que des animaux. C'est sûr que quelqu'un qui mange du chien, du chat ou même du singe, bon, mais le singe, si on prend pour acquis que le singe est très proche en termes d'homidés de l'être humain sur le plan biologique, sur le plan de la forme, d'ailleurs, un singe au-dessus de 90% du code de génétique, une structure génétique, je vais essayer de le formuler adéquatement, je ne suis pas généticien. J'avais déjà entendu parler de scientifiques que c'est l'une des créatures qui a un code génétique plus proche de celui de l'humain. Bon, ben, c'est sûr que si le singe est capable, je voyais dans un documentaire, communiquer avec d'autres êtres humains, avec le langage des signes, ressentir des émotions. Bon, ben, c'est sûr que le préjudice relatif à la mort est plus grand que par rapport à une forme de vie moins sophistiquée qu'une conscience moins grande d'elle-même. Mais en même temps, ce que je dois dire, c'est que si la personne a la vibration de manger du singe, ou de manger de la vache, ou peu importe, elle a à suivre son mouvement, puis par une intelligence derrière ça qui échappe à celle du principe spirituel des gens de haute spiritualité, qui n'est pas de manger de la viande, puis d'éviter de tuer des êtres vivants qu'une conscience qui est complexe et élaborée. Pour tuer et minimiser les dégâts en termes de moindre mal, de tuer des consciences comme celle de végétaux pour s'alimenter. Mais c'est sûr qu'éventuellement, l'individu façon de parler, là, c'est pas toutes les gens qui ont à vivre ça présentement, éventuellement se nourrir directement de l'énergie cosmique. De voir est-ce que ça peut devenir une source principale d'alimentation pour une personne. En tout cas, c'est pas mon cas présentement. Il y a des gens sur Internet qui prétendent vivre sans manger de nourriture solide. Dans certains cas, ils vont prendre du liquide, des gens qui pratiquent du pranisme. Ça leur appartient, c'est leurs affaires. Moi, ce que je vais m'occuper fondamentalement, c'est de mes affaires. Et j'invite les gens à en faire autant. Et c'est sûr que l'un des fondements du message que je cherche à véhiculer au fil de mes enregistrements, c'est celui qui est fondamental pour tout individu qui s'individualise de s'occuper de lui d'abord. Et j'invite les gens même à porter davantage de priorité à ce qu'ils peuvent capter intérieurement que l'ensemble des propos que je peux véhiculer. Donc, comme l'avait formulé un célèbre philosophe, le seul choix qui ne nous dégrade pas, ne nous divise pas, c'est le choix de soi comme absolu, donc comme point de référence. Donc, choisissez-vous comme point de référence et c'est sûr qu'à partir de ça, ben, c'est ce qui va vous permettre d'être équilibré dans votre vie. D'ailleurs, si on prend l'alimentation puis on regarde le guide alimentaire canadien, parce qu'ici on a comme particularité d'avoir des recommandations gouvernementales avec le gouvernement donc du Canada et au fil des ans, ben le guide alimentaire a changé. Donc la grande vérité que ça pouvait être il y a 30 ans, ben là récemment ça l'a changé. Là, on dit aux gens, ben là prenez moins là de viande rouge, là, prenez plus de légumes. Donc ça se modifie. Si ça se modifie, c'est que à quelque part, la vérité d'autrefois devient le mensonge d'aujourd'hui. Puis là, il y a de nouvelles vérités qui apparaissent. Donc tout ça, c'est des formes fluctuantes, comme je le mentionnais tantôt. Et fondamentalement, si on vit en fonction des formes fluctuantes de la société, on est soumis à un agenda qui est au-delà de soi. Donc on n'est pas libre. On vit en fonction de dictats qui peuvent être arbitraires, qui peuvent être politiques, et ainsi de suite. Les dictats, bien entendu, quand un agenda politique, c'est de regarder à qui ça profite. Donc, il y a un adage qui dit « Le gouvernement veut votre bien et il va l'avoir. » Donc, dans le sens qu'on veut votre bien, on peut l'entendre sur le plan moral, avec certaines politiques gouvernementales qu'on dit pour le bien collectif, mais ça peut être aussi, il veut votre bien dans le sens vos avoirs, vous déposséder de vos richesses en mettant en place des taxes, des impôts, des mesures de contrôle social multiples. Donc, c'est toujours à regarder avec qui ou quoi on transige. Et pour ce qui est de la notion de mensonge planétaire, vérité spirituelle et mensonge cosmique, ce qui est fondamental par rapport à ces notions, c'est de définir par rapport à soi qu'est-ce qu'il en est. Depuis tantôt, je vise à définir ça à travers la parole par rapport à moi-même. Ça se peut qu'il y ait des gens qui n'entrent pas du tout en résonance avec la nature du propos que je tiens aujourd'hui. Il y en a d'autres que ça va être en affinité énergétique. Puis il y en a d'autres qui vont dire « Ah ben, telle chose, je trouve ça intéressant, mais pas telle autre chose. » Et ce que je dis aux gens, fiez-vous d'abord par rapport à vous-même, surtout à l'époque présente, avec une propagande médiatique omniprésente, avec relais multiples, que ce soit le téléphone intelligent, par la suite la tablette électronique, par la suite la montre avec des notifications en temps réel, par la suite l'écran d'ordinateur, l'écran de télévision, le journal, la radio. Il y a plein de moyens de communication multiples qui sont là, qui servent à véhiculer certains discours, qui servent des agendas, et les discours sont des vérités pour certains et des mensonges pour d'autres, tout dépendant de la lecture que les gens en font subjectivement. Et cette situation va continuer dans le temps. Moi, ce que je capte vibratoirement, c'est que la désinformation, on peut en avoir par rapport à des virus, on peut en avoir par rapport à une guerre qui se produit, on peut en avoir par rapport à de la menace terroriste, on peut en avoir par rapport à la menace des changements climatiques. Et ce que je capte fondamentalement, c'est que lorsque l'être humain sera saturé de toute forme de désinformation, ben, il va vivre en fonction de lui-même. Et il va être détaché par rapport à ce que les gens de l'environnement, les médias, qu'est-ce qu'ils disent, puis qu'est-ce que les gens de son entourage présente comme information relayant les informations des médias. Et c'est l'essentiel de mon discours pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous a plu. Mais ça vous a plu, ça vous appartient. Ça vous plaît pas, ça vous appartient aussi. Je vais laisser l'espoir tranquille. Parce que, à quelque part, tout ce qui peut être dit, c'est tout le temps reçu en fonction de la sensibilité de l'individu. Donc, il peut y avoir toutes sortes de réactions suite à l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui sont très opposés par rapport à l'identité numérique, sont peut-être pas contents que je dis que finalement, ben, j'ai eu beaucoup de peur par rapport à ça sur plusieurs mois, puis aujourd'hui, ben, ça me dit intérieurement de prendre ça plus relax, puis je prends ça plus relax. Je dis pas que ça va pas à l'encontre des droits et libertés. Ne méprenez pas ma parole. En tant qu'individu, je suis pas d'accord avec ça, en tant qu'égo, que surtout que ça soit dans une optique que ça soit imposé. Bon, si les gens veulent en avoir une, ça leur appartient. Mais c'est la notion d'imposition, comme prendre une substance contre la volonté de l'individu, que ce ne soit pas un choix libre éclairé. Par rapport à ce principe-là, je suis opposé. Parce que ça va à l'encontre de la réalité individuelle que la personne peut avoir. Donc, pour une personne, prendre une substance donnée, c'est très bien. Pour une autre, c'est pas ajusté. C'est du cas par cas. Donc, c'est sûr que au fil de mes enregistrements, je vais toujours faire la promotion ou ramener les gens fondamentalement en fonction d'une vision individualisée. Donc, c'est sûr que vous allez me voir faire la promotion de tout ça. Je ne ferai pas la promotion de se soumettre à des règles collectives parce que je vise à m'individualiser. Donc, fondamentalement, la ligne directrice qui m'habite ou si on peut dire mon essence énergétique, va toujours m'amener à regarder les choses par moi-même. De toute façon, de répéter ce que les autres disent continuellement comme un perroquet, ça fait des enregistrements qui sont inintéressants à écouter. Donc, ça n'amène pas de l'originalité, ça n'amène pas de la créativité et ça ne participe pas à un renouvellement. Mais la meilleure façon de se renouveler sur le plan individuel, c'est de s'écouter d'abord. Et moi, ce que je capte vibratoirement, c'est qu'on est dans une ère de désinformation. Et ça, c'est pas fini. Puis même quand les gens vont sortir d'une certaine forme de désinformation planétaire, bien les gens auront éventuellement aussi à se libérer d'une forme de désinformation subtile. Et lorsque les gens vont réaliser que des êtres de haut niveau de conscience qui, dans un passé lointain, ont eux-mêmes créé l'être humain, ont laissé aller une situation d'un scénario planétaire qui implique beaucoup de désinformation. C'est sûr que des gens qui peuvent vivre une forme de révolte. D'ailleurs, les gens qui se spiritualisent peuvent vivre une forme de révolte à l'égard de la désinformation, mais est-ce que lorsque la personne dépasse la haute spiritualité, la reliant au plan astral, et que ça sort d'une vision polarisée de la forme, la personne est obligée de réaliser qu'à un moment donné, en maturant psychiquement, que la désinformation a une fonction. Et que, à quelque part, la personne, comme il a déjà été dit par le passé, par l'un de mes interlocuteurs, tout sert. À un moment donné, je parlais avec quelqu'un, puis il me ramenait au principe que tout sert. Ben oui, toutes les formes peuvent servir. Puis des fois, il y a des formes qu'on peut qualifier de mensongères ou de vérité qui vont servir un dessin évolutif. D'ailleurs, le simple fait d'être exposé continuellement à de la désinformation sur le plan médiatique peut amener une croissance beaucoup plus grande de l'esprit critique que si la personne n'y était pas. Donc, autrement dit, ça peut amener une forme de maturation psychique, une capacité de remise en question, une capacité de contestation, une capacité de filtrer des données qui peut être utile à une autre échelle éventuellement. Donc, autrement dit, si sur le plan planétaire, la personne est habituée de composer que de la désinformation et que la personne va sur d'autres planètes ou dans d'autres réalités de nature cosmique ou parallèle, ben, la personne va partir du principe que s'il y a de la désinformation sur la Terre, ben, ça se peut qu'il y en ait sur d'autres planètes, que ce soit Mars, Vénus ou qu'elle se décorpore pour faire des voyages pour avoir accès à des réalités subtiles avec des êtres qui résident en périphérie de d'autres planètes mais qui ne sont pas sur le plan physique. Bon, mais si la personne est capable de se décorporer et être en contact avec d'autres êtres de d'autres planètes ou de d'autres galaxies, ben il faut qu'elle réalise que si des mensonges planétaires, ben il peut y avoir des mensonges à toutes les échelles. En fait, je pars du principe que la notion de désinformation peut s'actualiser sur tous les plans de réalité et que la notion d'information ou de données ou de pensée, tant que c'est une forme, puis une forme pensée, c'est une forme pareille, même si c'est subtil, peut être sujet à de la désinformation. Donc, tout ça, c'est vaste, parce que là, ça fait presque une heure que je parle, puis à un moment donné, je me dis, je vais arrêter, mais il y a continuellement des idées qui viennent, donc je continue pareil à suivre le courant. À un moment donné, je me suis dit tantôt, je vais finir par amener en bout du sujet, pour passer à autre chose, mais non, c'est intéressant parce que ça me parle beaucoup, parce que l'idée de transiger avec la désinformation auxquelles on est exposé, des fois ça me dit des choses qui me surprennent, je vous le partage là, c'est que ce que ça me dit intérieurement, c'est que ça a une utilité parce que en tant qu'être, si vous êtes capable de gérer de la désinformation planétaire, bien à ce moment-là, vous êtes capable de gérer de la désinformation sur tous les plans. Donc, avoir une capacité de contestation de tout élément qui peut être amené par rapport à vous et d'explorer et d'évaluer tout individuellement. Donc, l'individuation totale de du rapport à l'information est en relation avec l'esprit la capacité de l'esprit à capter l'essence derrière les choses. Tant que la personne se limite à des apparences, bien à ce moment-là, par rapport à la forme, sur le plan formel, là, bien, la personne peut être manipulée. Donc, si on dit, par exemple, à un peuple ou plein de peuples en Occident, tel pays, c'est le bon, puis l'autre, c'est le méchant qui va l'attaquer, qui a une politique d'agression, la personne peut regarder vibratoirement celui qu'on lui dit qui est le bon pays, qui est victime de l'autre, qui est méchant. Puis, si la personne regarde le dirigeant du pays, puis elle voit que vibratoirement, ce gars-là est affilié sur le plan astral. Ce gars-là aussi, il en fait l'étude, puis il voit que dans sa parole, il y a des informations, puis il y a de la propagande. Bien, la personne n'est pas dupe du jeu de polarité. Tu sais, on va dire, tel pays, il est dans le mensonge, il fait de la désinformation, puis l'autre, il est dans la vérité. Mais attends une minute, il va avoir les subtilités. Puis il va voir aussi que, à quelque part, le pays qu'on dit qu'il est le méchant, puis l'autre qu'on dit qu'il est attaqué, dans les deux cas, ils peuvent manquer d'ajustement. Puis c'est tous des êtres en voie d'évolution. D'ailleurs, un être qui est réellement conscient, est-ce que un être qui est conscient va créer ou actualiser un scénario de vie dans lequel il va combattre un autre pays, ben, ça se peut. Ça se peut parce que un être qui est conscient, il ne cherchera pas à se faire dominer par une vibration autre que la sienne. Mais il va avoir un taux vibratoire rattaché à ça. Mais tout ça, c'est subtil parce que ce que je dis peut se construire puis se déconstruire parce que là, ça vient de me dire que quelqu'un au niveau vibratoire pourrait être légitimé de désinformer son peuple, les autres peuples aussi, si l'énergie qui cherche à circuler à travers lui va dans ce sens-là. Mais ça, ça ne sera pas une volonté de l'ego. La désinformation de nature cosmique n'est pas régie par l'ego en tant qu'être en voie d'évolution soumis à des principes planétaires. Donc, c'est sûr que des gens vont me dire, ben regarde, ton propos, c'est que tu vas justifier le mensonge. Mon objectif, c'est pas de justifier le mensonge par rapport à des formes morales ou des conceptions de vérité, mais c'est de dire qu'à un certain niveau, le mensonge peut avoir une utilité évolutive d'une perspective cosmique, d'un apport, énergétique plus grand, d'une actualisation aussi. C'est ça que je veux dire à travers mon propos. C'est sûr que sur le plan moral, ça a l'air pas beau, comme je le disais tantôt. Là, je vais arrêter parce qu'il y a peut-être des gens qui vont dire « ben là, tu te répètes ». Fait que oui, c'est, là, je remets l'emphase là-dessus. Fait que c'est peut-être le signe qu'il faut que je passe à autre chose parce que c'est l'essentiel du message. L'essentiel du message, c'est d'aller au-delà, en fait, du concept de vérité, de mensonge. Bon, ça, il y a des initiés sur la Terre qui en ont déjà parlé. Mais l'essentiel par rapport à ça, c'est de l'intégrer sur le plan individuel. C'est bien beau écouter des enregistrements de gens qui font des conférences par rapport à ça, ou même d'écouter l'enregistrement présent. Mais ce qui est essentiel puis fondamental, c'est le rapport entre soi et soi. Puis c'est ça qui nous permet d'être cohérent dans notre conscience, c'est-à-dire d'agir en fonction de soi sur le plan de l'esprit pour que la parole et nos actions soient vecteurs d'une plus grande quantité d'énergie. Donc, c'est ce que j'avais à mentionner aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Au revoir.